France Culture. Une mémoire radiophonique. Auteur prolifique, monument du genre, Auguste Montfort, alias Auguste le Breton, aura marqué l'histoire du roman noir français, de ses rififi et des nombreux titres des séries policières qu'il signait, tels que L'As ou encore Bon temps de la brigade anti-gang. Portés à l'écran, les voyous et les flics, les histoires et les mots de Le Breton, c'est notamment Du rififi chez les hommes, Razzia sur la schnouf, Le rouge émis, Bob le flambeur et Le clan des Siciliens. En 1971, l'écrivain de l'argot et du milieu était sur France Culture, invité à réagir aux mots que lui soumettait Pierre Lost. Il le faisait avec simplicité et franchise, évoquant au passage, sans trémolo, son enfance livrée à elle-même et aux colonies pénitentiaires, sa jeunesse dans ce que la rue peut avoir de plus âpre et douloureux. Un début d'existence dans la marge où poussent les mauvais garçons, dont Auguste Le Breton aura su tirer la matière première de son écriture et la force pour une vie d'homme, somme toute plutôt réussie. Les mots clés, Auguste Le Breton, une émission diffusée la première fois le 5 juillet 1971 sur France Culture. Auguste Le Breton, je vais vous offrir toute une série de mots qui doivent être pour vous des mots clés. Je vais vous les prononcer devant vous et vous demander ce que chacun de ces mots évoque. Oui. Voici le premier, l'enfance. Eh bien moi c'est l'enfance malheureuse, la misère, les orphelinats, quelque chose de pénible, la rue, clochard, enfin martyrisé, des maisons de correction, etc. Enfin l'enfance c'était un personnage pour moi qui est sacré quand même, parce que j'ai un enfant également, j'ai une fille. Et c'est quelque chose que j'idéalise au maximum et qu'on devrait protéger pour toujours. Puisqu'on doit prendre sa responsabilité quand on a un enfant, c'est de le défendre ou de la défendre jusqu'à son dernier souffle. Et vous savez, je pense que les 90% de l'humanité viennent au monde par accident parce que les gens font des enfants sans savoir exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses malheureuses. Et moi, j'ai été un enfant malheureux. La mère. La mère, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui n'en a pas eu. La mère, j'ai connu des mères de mes amis, des truands français, qui, pour eux, c'était le bon Dieu, c'est toujours le bon Dieu d'ailleurs. C'est quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Une mère, ça représente tout pour un homme. Le rire. Eh ben, j'aime beaucoup me marrer, comme tous les aventuriers, on ne met rien au-dessus du rire après tout. Il faut toujours rire. Dans les pires catastrophes, on éclate toujours de rire. Il y a toujours des circonstances qui font rire, dans les pires drames d'ailleurs. C'est jamais dramatique au point où l'être humain se l'imagine. Il y a toujours un moment où il faut rire et on se détend. La Bretagne. Ah, c'est mon pays natal, c'est l'océan, c'est les grands souffles, c'est la poésie de la mer, la santé, la force, il y a les grands voyages, les horizons qui permettent de s'évader moralement et de partir au loin, d'échapper aux contingences petites et mesquines des petits pays. L'assistance publique. C'est les enfants perdus. C'est un mot qui représente, soi-disant, la protection de l'enfance, mais dans mon époque, c'était pas ça. Maintenant, il paraît que c'est amélioré. Enfin, c'est quelque chose qui fait peur, l'assistance publique pour les gosses sans famille. L'argot. Oh, l'argot, ça c'est rien. Pour moi, j'avais appris l'argot. C'est tellement dans mon sang qu'il n'y a pas un mot d'argot que j'ignore, mais j'y fais pas attention. Moi, on parle entre nous de l'argot. On l'a pas idéalisé comme certains spécialistes. Nous, on s'en fout de l'argot. Je parle l'argot très couramment, mais j'y prête pas attention. Quoi. J'aurais aussi bien appris l'anglais si j'avais été au lycée. C'est dans la rue que j'ai appris l'argot. Victor Hugo. Les Misérables, non? C'est un monument comme poésie, bien sûr, mais enfin, c'est un grand, grand, grand bonhomme dans mon esprit. La justice. Il n'y a pas de justice sur cette terre. Le bonheur. Ça peut exister, il faut essayer de se le bâtir. C'est en soi-même qu'on porte un peu son bonheur. Mais il faut chercher à se le créer, c'est pas de la tarte en tout cas. Les barreaux. Ah là là, il y a de quoi frémir les barreaux, c'est une seule chose. Ça représente tout quelque chose. Rester enfermé, ne pas pouvoir sortir, s'évader, regarder les oiseaux à travers les barreaux, tout ça, les grilles, c'est des vilains mots, tout ça. La poésie. Eh bien, la poésie, je ne suis pas tellement féru de poésie, mais j'ai un poème qui est à la tête de mon lit, c'est de Kipling. « Tu seras un homme, mon fils ». J'ai essayé d'en faire la marche de ma vie. Et j'ai écrit, moi aussi, une poésie, un recueil de poésie, mais enfin, ce n'est pas Kipling, hélas, qui s'appelle « Du vent ». Je vais vous lire un de ses poèmes, d'ailleurs, qui s'appelle « Trèfle à quatre feuilles », qui ne prend pas la vie trop au sérieux. Dans son enfance, on lui avait prédit beaucoup de chance. En quelque sorte, c'était vrai, sauf qu'elle boitait et louchait un tantinet. Mais de la vraie chance, elle en avait, vu qu'elle accompagne les trèfles à quatre feuilles, elle les trouvait, alors que les autres ne ramenaient que du muguet. Du muguet qui peut-être embaumait, mais ne valait pas les trèfles à quatre feuilles qu'elle trouvait. Bien sûr, son mari, après l'avoir de ses quatre sous dépouillé, l'avait aussitôt laissé tomber, et son amant, le premier qu'elle s'envoyait toute la sainte journée, la rossait, et aussi que tous les billets de loterie qu'elle prenait, jamais un rotin ne gagnait. N'empêche que de la chance, elle en avait, puisque des trèfles à quatre feuilles, elle en trouvait. C'est pourquoi le lundi à l'usine, alors qu'elle montrait à sa voisine le trèfle à quatre feuilles, trouvé le 14 juillet, dans un coin de la forêt de Rambouillet, une courroie la happa et vite l'entraîna vers des mâchoires d'acier qui n'en firent qu'une bouchée. Et tout ce qu'on trouva d'elle fut le trèfle à quatre feuilles porte-bonheur qui, au long de sa vie, lui avait évité tant de malheurs. Le pain. Ah, le pain, j'ai connu le pain. Le pain, c'était la base de ma nourriture quand j'étais clochard à 18 ans. Il valait 11 sous la livre, le gros pain. C'est toujours un prix, je me souviendrai d'ailleurs. Le pain, c'est une base, c'est pour tenir le coup, c'est pour aider à vivre. La vérité. Et je me demande si ça existe, la vérité. Il y a peu de gens qui savent faire face à la vérité et dire la vérité. Il faut être un homme entier pour ça. Le clochard. Ma foi, j'y étais, ça m'emmène loin derrière, quand je couchais contre la grille du métro de la Porte-Saint-Ouen. Et ça me donne beaucoup de souvenirs d'amis disparus et morts. Quand on avait une vie infernale, on était très nombreux de l'époque, des orphelins de guerre en majorité. On était une ribambelle de clodo, comme on dirait, sur les fortifications de l'époque qui entouraient Paris, les LAF. C'est une période assez pénible, mais enfin, vu par moi, à l'époque où je l'ai connu, non, quand même, parce que j'avais 18, 19 ans, et parce que, Georges, là, on s'en fout, on prend pas tellement la vie dramatiquement, même quand on est clochard. Et là encore, ça revient à dire qu'on rit quand même. Il y a toujours le moyen de rire. La gloire. C'est du bidon, tout ça, ça n'existe pas. C'est de la futilité. La femme. Eh ben, pour moi, j'adore les femmes, j'ai toujours aimé les femmes. Enfin, je crois que c'est elles qui mènent le monde, en définitive. Dans les coulisses, peut-être, mais c'est elle qui dirige les hommes. Elle ne paraît pas dans les journaux, la télévision, en affiche, en placard, mais c'est elle dans les coulisses qui mène le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire, la femme. Sans elle, qu'est-ce qu'on serait, après tout? La création littéraire. Bon, création littéraire, il suffit qu'on ait un don, beaucoup d'énergie, pas mal vécu et souffert, pour arriver à coucher sur le papier ses propres expériences. En tout cas, je ne crois pas aux types qui se disent « entrant, je pourrais écrire, c'est du bidon ». Moi, je fais ça comme quand je vais à l'usine. Il n'y a que pour la poésie que je crois à l'instinct, mais autrement, tout ça. Le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. D'ailleurs, je vais faire un film en tant que metteur en scène sur Thierry du Bounser de Mon Rififo au Canada, mon premier film. Et je suis un homme de cinéma. J'aime beaucoup ce qui est visuel. Et le cinéma, on ne peut pas être plus visuel. C'est le plus beau métier du monde, le cinéma, le plus sale, le milieu. L'arbre. Ah, c'est quelque chose de beau, l'arbre. De puissant, ça s'élève vers le ciel et ça protège. C'est joli, là. La verdure, surtout quand c'est le printemps que les bourgeons éclatent, hein. C'est le renouveau, c'est la vie qui redémarre. C'est de la majesté dans l'arbre, beaucoup de majesté. On ne devrait pas les couper, on ne devrait pas les scier. Il faudrait les laisser vivre et mourir, comme les hommes. La santé. Et c'est le plus grand bien du monde. Quand je vois des milliardaires s'échiner, après tout, quand ils n'ont pas de santé, qu'est-ce que ça peut foutre avec leurs milliards? Comme je leur dis, votre coffre-fort ne suivra jamais votre cercueil. Bien se porter, c'est très très important, c'est le plus important de tout. La drogue. Je suis contre la drogue. J'ai des amis à moi qui sont morts de la drogue. Dans le temps, je parle d'avant-guerre. Je suis complètement contre la drogue. C'est une lâcheté, les gens qui droguent. Il n'y a pas de pitié à avoir pour eux. C'est un renoncement. C'est des gens qui n'ont pas de courage. Mais je n'accepte pas les excuses. Je suis, ça avilit, ça dégrade, on peut trahir ses amis, sa femme, ses enfants, on peut tout vendre aux flics pour un petit paquet de drogue, c'est ignoble. La peur. Ma foi, tout le monde a peur. Moi qui fais les bras fonds du monde, ça m'arrive souvent d'avoir le trac. Je pense que tout le monde, enfin ceux qui disent qu'ils n'ont jamais eu peur, pour moi, sont des, ou c'est des dingues, ils relèvent de l'asile, mais c'est quelque chose d'effroyable, ça paralyse parfois les moyens, les réactions, c'est atroce, ça m'est arrivé souvent dans ma vie d'avoir le trac, beaucoup. Le rêve. Alors, on rêve tout en dormant. Alors là, c'est il y a tellement de sortes de rêves. Et surtout les rêves éveillés quand on rêve, quand on est enfant, dans les orphelinats, la maison de correction. Alors là, c'est le rêve, c'est l'évasion. Je rêvais d'aller en Amérique avec les cow-boys à mon époque, si je me suis valé deux fois des orphelinats de guerre. Alors ça, c'est, je rêvais tout debout, éveillé, quoi. C'était un peu de la folie, mais enfin, des fois, ça aide à franchir les barreaux, justement, les grilles. Bouddha. Ma fille est férue de Bouddha, je le vois. J'ai vu ça à Bangkok, j'en ai vu en Asie. Il présente une statue d'une grande sagesse quand on voit les Bouddhas dans les, par exemple, vers les temples d'Angkor que j'ai vus. Mais moi, je suis occidental, alors c'est un autre monde pour moi. La faim. J'ai eu souvent faim dans ma vie, mais enfin ça. Je ne sais pas si c'est le plus pire que la soif. C'est surtout la faim d'affection et d'amitié qu'on a besoin. La faim, on arrive toujours avec un morceau de patate ou quelque chose. Ce n'est pas tellement grave, la faim. On arrive à serrer les dents, à s'en passer. Je suis resté souvent des jours et des nuits sans vérité. Ma foi, je ne suis pas mort, je suis encore là. Albert Simonin. Simonin, c'est un des meilleurs styles de la littérature française. Je parle littérature, j'englobe tous les littérateurs. Lui a beaucoup de poésie dans son style, Simonin. Malheureusement, je crois qu'il n'écrit pas beaucoup, parce qu'il n'a peut-être pas tellement d'histoire, mais c'est un grand, grand écrivain français. Le tiercé. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie à la misère. On pousse des gens à jouer. Ils sont là en train de servir. Parce qu'ils espèrent toujours qu'ils vont gagner l'Amérique, ils gagnent des bigorneaux. Il n'y a que l'État qui sue, quoi. C'est de la friponnerie. La chanson. Ça aide, justement, à l'évasion, au rêve. Des gens ont besoin de chansons. Je trouve que c'est une bonne chose quand c'est des belles chansons, comme Léo Ferré, Brel, Ferrat, etc. C'est très joli, la chanson. Ça apporte. La peine de mort. Je suis évidemment contre. Ou alors, je serais pour une condition que les jurés et ceux qui condamnent, ce soit eux qui exécutent le condamné. Ce soit eux qui montent la guillotine et qui tranchent le col et qui soient là. Alors là, je serais pour, si c'est eux qui participent à l'exécution. Sinon, évidemment, je suis contre ça. Alphonse Boudard. Alphonse, c'est aussi un grand style qui rejoint Simonin. Un peu le style, je suis en train de relire le Céline, justement, d'un voyage à l'autre. Alphonse, avec son bouquin, La Cerise, a écrit un bouquin fort. Je crois que c'est le plus grand livre qu'on a jamais écrit sur les prisons françaises. C'est un grand, grand bouquin. Jacques Prévert. Ah, parole de Prévert, évidemment. Et ses films. Un grand monsieur du cinéma, un grand monsieur de la poésie française. Harlem. J'ai vécu à Harlem, j'ai écrit un poème, d'ailleurs, sur Richard. J'ai vécu à une époque, il y a quelques années quand même, j'étais avec un gangster français condamné ici qui était en fuite et il est ami de Sugar Ray Robinson qui nous cautionnait dans Harlem. C'était assez dangereux, mais nous on y vivait dans les caves de Harlem, c'était passionnant. Maintenant il paraît que ça serait plus possible. On était les seuls blancs d'ailleurs à y vivre à cette époque-là, la nuit. On était bien reçus, ils aimaient beaucoup les Français, maintenant il paraît que ça a changé. Mais il y a de la vie et beaucoup de misère aussi, c'est passionnant les Noirs. L'argent. L'argent, il en faut toujours. Il faut toujours pour acheter le bœuf grosselle, sorti de là. Il ne faut pas non plus en faire sa vie, le moteur de sa vie, ou alors c'est pénible. Les gens qui pensent vraiment qu'à ça, je les plains. J'en connais beaucoup de grands dirigeants d'un truc l'autre. Je les plains, ils sont pauvres en définitive. Ils sont toujours en train de courir, ils sont milliardaires et ils cherchent toujours à voler 3-4 sous pour arriver à faire encore un milliard de plus. Quelle vie. Les hippies. Ma fille est hippie. Ils veulent pas la guerre, ils veulent la paix, ils veulent distribuer des fleurs, des marguerites, tout ça. Moi, je trouve ça sensationnel. Évidemment, il y a peut-être qu'un des fous, ils veulent pas faire grand-chose, mais enfin, ça... Ils veulent la bonté. Moi, ma fille, ils vivent en communauté. Ils installent des grands lits, là, dans leurs pièces pour que tous les copains qui arrivent du coin du monde, qui sont en perdition, viennent dormir. Ah, je trouve ça remarquable. L'égoïsme est un peu mis de côté. Je trouve ça extraordinaire. Le rififi. Eh bien, le rififi, c'est un mot que j'ai créé, ma foi. Et dans le dictionnaire portugais, dans d'autres pays, il a fait le tour du monde, grâce au film qu'on a fait avec Dassin. Et j'ai tiré ça de rif. Rif, que, donc, on pourra venir à Avignon, rifauder, c'était brûler les pieds, rifauder les arpions. Et rifauder, qui existe encore pour brûler, rif vient de rifauder. Rif, c'est feu. Monter au rif en 14, Dorgelès dans les Croix de Bois disait, monter au rif, les soldats de 14, mon père aussi, d'ailleurs, puisqu'il est tombé en 14. Et monter au rif, c'était monter au feu. Et faire du rif, en argot, dans la langue verte, c'est aller chercher des raisons, foutre le feu, foutre la panique, etc., et chercher des histoires. Et de ça, j'en ai tiré, bien sûr, rififi. L'humour. L'humour. Est-ce qu'on peut vivre sans humour? Les gens qui prennent tout tragiquement merde, il faut rire dans l'existence. Je cherche toujours les gens qui ont de l'humour, parce qu'au moins, ça coupe la vie, ça aide à affronter l'existence. J'ai besoin des gens qui sont pas imperméables à l'humour. Quand j'en vois qu'ils sont comme des portes de prison, je m'en vais en courant. Ils me font peur. Le truand. Ah, le truand. Je peux pas m'aider de mes amis, bien entendu. J'ai été élevé, grandi avec eux, et j'étais encore hier matin en enterrement avec eux. Eh bien, il y a tout, le milieu a un peu changé, mais certains truands ont gardé cette espèce de chevalerie, des rues. Ce que j'aime, c'est beaucoup. Bien sûr qu'ils prennent de l'argent, mais ils le dépensent aussi vite. J'ai connu des braqueurs qui braquaient une banque et que 3 jours après, il leur restait plus, ils se foutaient tout à la grouille. Et ma foi, il y a une espèce de noblesse dans tout ça. Ils ont le culte de l'amitié, ceux que je connais, parce que j'ai des amis solides quand même, que je sais que si on appelle de moi, ils seraient prêts à faire beaucoup de choses. Alors, la truanderie, dans ce sens, elle m'a apporté, elle m'apporte encore l'amitié que tous les hommes recherchent. Évidemment, maintenant, c'est un peu... Avec le cinéma, on fait des films sur les truands par des gamins de metteurs en scène qui comprennent rien, d'ailleurs, qui n'ont jamais vécu tout ça. Ils portent à l'écran des personnages disparates, qui sont grotesques parce qu'ils connaissent pas justement comme la réaction du maire, d'un truand et d'une mère que vraiment j'ai vécu, j'ai vu, et que à vous arracher les tripes. Quand on voit ce qu'ils peuvent tourner au cinéma sur les truands, ils comprennent rien, il ferait mieux de tourner leurs trucs homosexuels ou tout ça, ça serait plus dans leur corde. Le truand est un personnage de légende, mais qui existe encore. Moins peut-être que jadis, même comme la loi du milieu, mais enfin ça, c'est un autre problème. 18 ans. 18 ans? Ben, c'est l'âge béni quand on a papa, maman, on me dit que j'étais de la cloche. Alors ça, c'est un autre père de moi. J'ai deux trous aux poumons qui sont calcifiés. J'étais tuberculeux, je couchais sur les crachats et les mégots, au pied des becs de grâce, enfin, dans tous les points de porte qu'on pouvait, tout ça. Alors, 18 ans, c'est l'âge béni, je pense, pour les enfants, pour la jeunesse qui est bien, qui va au lycée, sauf les contestataires qui contestent toujours sans savoir ni pourquoi ni comment, parce qu'ils n'ont pas vécu, qui veulent foutre le feu partout sans savoir reconstruire. Mais 18 ans avec une belle fille et tout ça, ça doit être l'âge vraiment béni. J'ai connu ça aussi dans les belles musettes, bien entendu. Et les filles, avec les gigolettes de l'époque, c'était quelque chose de fabuleux. Ça, c'est parti, c'est envolé. On fait la croix dessus. Les fortifs. Et les lofs, c'est des anciennes fortifications qui entouraient Paris. J'ai couché, dormi, fait l'amour, battu. Ils poussaient l'herbe très rare d'ailleurs dans les creux, mais c'était quelque chose aussi, les fortifs. Il y avait les clodos, il y avait les voyous, en casquette de l'époque. Et ça cernait. Mais il y avait une véritable poésie, elle est disparue. On franchissait d'ailleurs pas, on quittait pas les fortifications, les apaches, comme nous appelaient vos confrères les journalistes. On restait sur les fortifications, on n'allait jamais jusqu'à la place Clichy, c'est bien après qu'on a commencé à évoluer. Mais dans mon jeune temps, on restait là, sur les lafs, les fortifications, avec nos gigolettes, nos belles musettes hors de Saint-Ouen, etc. Il y avait beaucoup de choses. Ouais. Ça fout le bord, il ne faut pas trop penser à ça. L'homme. Ben, ma foi, l'homme. Et l'homme, avec le grand H, ils sont tellement rares. Tellement rares. L'homme véritable. L'homme qui peut vivre, tu seras un homme, mon fils, comme a dit Kipling. C'est rare, ça. Le feu. C'est pas mon élément, j'ai le trac du feu. Ça m'est arrivé, étant soldat à Saint-Malo, dans mon actif, je parle, j'avais 20 ans, de rentrer dans une maison en feu pour sauver les jours dont on avait parlé à l'époque, pour sauver une vieille et puis des trucs. Je l'ai toujours gardé, un mauvais souvenir. Saint-Ouen. Saint-Ouen? Ah, Saint-Ouen, je repars toujours sur mes maraudeurs, sur mes forbans et mes filles des rues. Le Saint-Ouen que j'ai connu, où on cassait la côte dans les petits bistrots le lendemain. Je tapais le Bonneto, par exemple, à Clignancourt, Saint-Ouen, rue Jules Vallès. Je tapais le Bonnet aux trois quarts sur l'Empereur à pluie. Et on était toutes les équipes étaient alignées, comme ça, il y avait les Arabes, les Espagnols, les Gitans, tout ça. Ah, c'était plein de vie. Et les frites, l'accordéon, c'était quelque chose de fabuleux, Saint-Ouen. Maintenant, ça se civilise, il y a des immeubles neufs, tout ça. Puis les gens ne sont plus ce qu'ils étaient, ils savent plus rire. On les voit dans la rue, ils ne se marrent plus. On dirait qu'ils sont constipés. Je ne sais pas si c'est la part du 4 sous, la petite auto, du petit week-end, tout ça, ou s'ils sont traumatisés par l'époque, en pensant que du jour au lendemain, ils peuvent sauter avec les bombages Y. Mais ils ont plus le sourire comme il y avait. Ça fleurissait à Saint-Ouen, à ce moment-là. Les filles, tout ça, on leur envoyait un vin dans la rue, elles se retournaient rigoler. Maintenant, elles ont l'air tristes, pénibles. C'est peut-être la vie de l'époque trop trépidante qui les rend comme ça. La colère. C'est difficile à la dominer, la colère. J'ai lu qu'on ne devrait jamais agir sous l'effet de la colère. C'est vrai, avec l'expérience de la vie que j'ai maintenant, énorme. Hein. Mais dans mon époque, j'étais plus jeune, j'étais assez coléreux. La violence, il y a prescription, d'abord personne ne trouvera jamais. Il m'est arrivé de tuer un homme à coup de pied, par exemple. Pour sauver, pour défendre ma vie, bien entendu. Mais c'est des trucs que je ne ferai plus maintenant, quand même. Parce que c'est dans la violence, quand on est jeune, on est violent, on est terrible. Je vivais que dans la violence, bien entendu. Alors là, la colère, il faut essayer de la maîtriser, de la dompter quand on peut, mais c'est pas toujours facile, parce que les gens, à force de vous en faire voir, ils vous font sortir aussi de vos gonds. Vous pouvez patienter une heure, deux heures, puis à la longue, vous foncez. Et faut la dominer. Enfin, si un conseil à donner, c'est de la dominer, quand même. Essayez de la dominer. L'expérience, il faut l'acquérir, parce que si je dis à ma fille, à ta place, je ne ferai pas telle chose. Je lui dis, je ne le ferai pas. Maintenant, je sais qu'elle va le faire, parce qu'il faut qu'elle se brûle les doigts. Autrement, c'est la vie, ça n'a pas d'intérêt si jamais elle m'écoutait. Elle serait idiote. Alors je lui dis, vas-y, fonce, tu vas te brûler les doigts, tu vas souffrir, tu vas chialer. Mais c'est ça l'expérience. Et on additionne ça, vous le savez, au cours d'une carrière. Et c'est ça qui aide à essayer de comprendre les hommes, les femmes, la vie, quoi. Et d'éviter de faire trop de bêtises. Et je crois qu'on ne devrait rien faire, ni écrire, ni mettre en scène sans avoir beaucoup d'expérience. Et ce qu'ils font beaucoup prématurément. Et j'ai une admiration pour Claude Sautet qui a tourné les choses de la vie. Il a 47 ans, je crois. Je ne le connais pas, je l'ai vu que l'autre fois, gamin, me l'a présenté il y a peu de temps, je ne le connais pas. Je sais qu'il a dit, je ne peux pas tourner un film parce que je n'ai pas encore assez d'expérience. Il a déjà 47 ans et du talent. Voilà comme je comprends les gens de talent. Avoir de l'expérience avant d'entreprendre des choses de création. Je pense que c'est nécessaire. L'ascenseur. L'ascenseur ? L'ascenseur. Ah, l'ascenseur ! J'ai travaillé chez Roucan-Balugier, étant moi. J'ai fait les premières grèves aussi de chez Otis Piffre. À l'époque, c'est ça ce que ça me rappelle, l'ascenseur. Et j'en parle dans la loi des rues, d'ailleurs. Et j'avais trouvé du boulot, ma foi. Et je portais le sac d'un compagnon dépanneur qui s'était fait embaucher pour monter la grève chez Otis Piffre. C'était un type sensationnel. Et puis, on a fait la grève, les ouvriers ont obtenu leur augmentation. Moi, je portais des plis pour la préparation de la grève. J'allais d'un truc à l'autre dans les maisons de dépannage et je donnais les plis à d'autres compagnons pour arriver à déclencher cette grève et l'augmentation. C'était les premières grèves et alors on prenait des coups. Et puis on l'a fait et on prenait des coups de pèlerine roulée. Les flics roulaient leurs pèlerines à l'époque et nous les mettaient en travers de la gueule. Et puis, la grève terminée, ils ont eu leur augmentation. Et puis, je me suis retrouvé une fois de plus à la rue, bien entendu, parce que le compagnon à l'époque, on l'a foutu dehors. Il n'y avait pas le droit de grève. Il m'a retrouvé clochard quelque temps après. Quoi. Mimile Buisson. Ah, Mimile, c'est un autre cas que Pierre Loutrel. C'était aussi un chien enragé. C'est Chenuyer qui l'a sauté, qui était la répression du banditisme, le commissaire Chenuyer. Lui aussi était un chien fou. Mais il s'est laissé arrêter. Il a été pris peut-être à surprise, mais j'aurais pensé qu'il aurait été jusqu'au bout. Il a été guillotiné. Et un type dans son cas, je me serais appelé Mimile Buisson, j'aurais toujours eu une grenade sûrement en permanence, et je me serais fait sauter avec plutôt que de finir à la guillotine comme il a fini, parce que lui, il ne pouvait pas échapper à la guillotine. Et alors là, je crois qu'il n'a pas eu une mort comme il aurait dû chercher. Le poker. J'ai vécu, j'étais un des... ce qu'on appelle un des meilleurs joueurs de poker pendant mon époque. Je pouvais jouer des 60... on jouait d'ailleurs des 72 heures sans lever le cul de la chaise. Et le jeu de poker des truands est le plus rapide du monde. C'est très, très, faut jouer très, très, très vite. Et la relance est immédiate. On n'a pas le temps de souffler. Faut avoir des nerfs et des réflexes d'acier. J'ai joué avec capitaine. J'ai joué avec Niston. Il montait spécialement de Nice et de tout ça. Et de niçois, parce que quand on dit, il était niçois, il arrivait de Nice dans des grandes parties de poker. On jouait des parties fabuleuses. J'en parle dans Malfranco, d'ailleurs. On mettait 5000 francs de l'époque, rien que pendant la guerre, au milieu chacun. 5000 francs de l'époque, je sais pas si, le chip. C'était 5000 francs le chip. Alors, c'était des parties qui atteignaient des différences de millions de l'époque. Ça fait peut-être 100 ou 200 millions de maintenant. C'était quelque chose de fabuleux, quoi. C'était le retour n'emporte le vent. C'est vrai, d'ailleurs. J'ai vécu ça. Et je jouais très, très bien au poker. Je peux plus, maintenant. J'ai plus le réflexe aussi rapide. Quoique, si je me tablais, je me défendrais encore mes boules. Il faut être observateur. Il faut être froid, glacé de visage. Parce que le moindre tic, il y a des types, c'est plus fort qu'eux. Vous étudiez des personnages. Si vous jouez 72 heures avec un type au poker, si par exemple quand il a un jeu servi, il met son jeu à gauche, vous apercevez au bout de tant d'heures qu'il met toujours son jeu à gauche. Et quand il n'a pas de jeu servi, il le garde dans sa main. Ou il allume une cigarette par réflexe de nerf parce qu'il a un jeu. Ou il n'en allume pas, c'est compte. Il faut arriver à déceler tout ça au poker, il n'y a pas seulement que les cartes. Alors c'est tout un truc de psychologie et de physionomie. Le cheval. Le cheval, la noble conquête de l'homme. J'ai fait la pampa argentine, j'ai vu des troupeaux de chevaux sauvages. C'est formidable à voir en liberté. J'aime moins quand ils sont conditionnés, attelés, chevauchés. C'était né pour vivre en liberté, sans attache, ni colle, ni rien du tout. Libre, toujours libre, c'est le mot que je mets le plus au-dessus de ma tête, de l'humanité, la liberté. On les empêche de vivre libre, ces pauvres chevaux-là. Je sais pas, ils parlent pas, mais je crois qu'ils sont pas heureux. La mini-jupe. Je suis pour la mini-jupe, je lui ferai qu'un proche, c'est qu'elle est encore trop longue. Je la voudrais encore plus courte. Je suis contre la vaccine, elle bloque. La censure. La censure. Je suis contre la censure, toute espèce de censure. C'est-à-dire, évidemment, je trouve que soi-même devrait, je parle d'un créateur, c'est lui qui devrait se censurer. Savoir jusqu'où peut aller un metteur en scène, je vais tourner par exemple en Bouncer, sur le Canada, dans les scènes d'érotisme, je vais les suggérer, comme les scènes de violence, pourquoi montrer et pas suggérer? Je trouve que le talent, comme la possède un dassin, mon ami Jules, c'est justement dans la suggestion, non pas d'en montrer, comme ils cherchent ici, parce que je crois qu'ils sont asexués, ces jeunes metteurs en scène qui veulent absolument montrer. On peut suggérer, mais on devrait se censurer soi-même, sans avoir une commission qui devrait vous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ceci dit, je trouve que la censure cinématographique américaine est plus large et plus généreuse. On ne montre pas en France. Ils ont essayé un peu de raconter, quoi, que c'est esquissé, parce que c'est pas là. C'est encore du fabriqué, ça. Mais on ne montre pas un officier qui trahit en France. Il y a eu des officiers qui ont trahi en France. Vous n'avez pas le droit de le montrer dans un film. Vous ne montrez pas un flic qui se fait acheter. Mais il y en a eu qui se sont fait acheter. Vous ne montrez pas l'enfance malheureuse. Léo Mur, quand Carnet a voulu tourner mon enfance autobiographique, on lui a défendu. René Clair, il paraît, a voulu le mettre en scène aussi. En Amérique, ils ont plus de courage que nous, au point de vue censure. Ici, il paraît que ça évolue, mais enfin, je ne la vois pas beaucoup, l'évolution. En tout cas, on devrait s'auto-censurer soi-même, un créateur, pour éviter, justement, d'avoir se heurter. On n'a pas besoin non plus d'attaquer absolument la religion catholique. Pourquoi attaquer une religion que chacun a le droit de penser ce qu'il veut? Alors, quand on fait œuvre de créateur, on devrait essayer de ménager, tout en mentant, mais en suggérant. C'est plus fort. L'Académie française. Oh, bah tout ça, c'est bien joli, mais on contrefou, hein. C'est... l'Académie française. Moi, j'aime bien l'Académie de billard. L'Académie française, ils sont là, ben, ils aiment bien ça, tout ça. Est-ce que ça va bien loin? Quand on les voit descendre dans leur cercueil, ils descendent comme tout le monde. C'est gros. Immortels? Ils sont pas immortels. Sinon, ils resteraient tout le temps là. C'est une rigolade. La mémoire. Ah, celui qui est doué d'une bonne mémoire, ça aide beaucoup dans la vie. La mienne et moi, 50-50. Depuis 12 ans que j'ai arrêté de fumer, je la garde un peu plus. Mais enfin, ça arrive des fois qu'on oublie un tas de choses. La mémoire, celui qui est doué d'une mémoire prodigieuse, ça peut aider. Maintenant, ça peut aussi être néfaste, parce qu'il peut peut-être se rappeler trop souvent de choses tristes qu'il devrait oublier. Il faudrait pouvoir des fois aussi faire la croix sur certains aspects de la mémoire, pour les coups durs. Marcel Sauvage. Mon vieux poète, je l'ai vu il y a quelques mois, là. Eh ben, ça s'est fait bizarrement d'ailleurs. C'est lui qui m'a découvert, on peut dire le mot, parce que il avait lu Léo Mur, je crois. Il m'a dit, c'est pas, il faut que tu retravailles ça. T'es un écrivain né, il n'y a pas de problème. Alors on avait dîné en face de la mairie de Batignolles avec une amie. Il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un bouquin d'argot? Ben, j'ai dit, argot, j'ai pas envie de faire un bouquin d'argot. Mais il dit, tu parles d'argot comme personne. Il dit, tu vois bien une Grisby. Je lui dis, j'ai rien à foutre de tout ça, du Grisby et tout ça. Je ne veux pas faire un bouquin d'argot. Puis au cours du dîner, après, il m'avait quand même poussé. Ah, puis j'ai dit, écoute, tiens, je vais t'en faire un dans un roman policier en argot, puisque tu y tiens. Mais je dis, ça n'aurait pas d'intérêt, moi je vais écrire Léo Mur, je veux que ça soit publié. Il dit, si tu fais un truc en argot qui marche, tu pourras peut-être publier Léo Mur. Puis sur ton enfance malheureuse, puisque tu veux qu'on connaisse les enfants malheureux, l'exploitation de l'enfance. Je dis, bon, puis on s'est quitté. Et puis je suis parti le lendemain à la campagne. Et je suis revenu un mois après d'ailleurs, jour pour jour, avec le rififi chez les hommes, et je l'ai fait taper la machine. Et puis je lui ai fait déposer. Et je suis parti en voyage, dans un voyage qui ne supporte pas de questions, qui n'a rien à voir avec la littérature. Et puis il a téléphoné chez moi, mais où c'est qu'il est parti? C'est sensationnel ce qu'il a écrit, tout ça. Et mon vieux soldat m'a fait, bah, vous savez, il ne me dit jamais où il va, quand il rentrera. Mais il faut qu'il m'appelle tout de suite, c'est formidable ce bouquin-là, etc. Puis quand je suis revenu, j'ai appelé Marcel, il m'a dit, viens vite, Gallimard veut te voir, etc. Puis ça a démarré comme ça. Mais j'ai passé mes mots après. C'était mon but. Mais il avait raison, je lui ai fait un bouquin en argot qui a marqué ce qui s'appelle le rififi chez les hommes. Et Marcel avait raison. Les nourritures terrestres. De Gide. Non, j'ai pas lu Gide. Alors j'ai dit tout de suite, j'ai ni lu Gide ni Proust. J'ai entendu dire qu'il avait écrit, parce que j'ai une petite mémoire quand même pour ça. Les nourritures terrestres, ben moi la nourriture terrestre c'est quand je crevais de faim, par exemple le pain sous la live, le bœuf gros sel et le beefsteak. C'est ça la nourriture terrestre, c'est de manger quand on a faim pour pouvoir continuer à vivre, à aider son prochain et se battre, quoi. C'est ça, le beefsteak. Autrement, la nourriture terrestre de l'esprit, je ne vois pas ce que ça va. Je n'ai pas lu le bouquin, là. Je ne lirai jamais ce truc-là. Jules Dassin. Ah, c'est mon ami, Jules. J'ai vu la semaine dernière, on s'est embrassé. On s'est bien compris quand on a travaillé. Il a beaucoup de cœur, il a beaucoup de sensibilité. Pour moi, c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il m'a dit la semaine dernière que nous allions travailler ensemble. Je viens d'y faire porter le rififi à New York en anglais. Et il a souffert. Justement, j'en reviens toujours à ça. Il a beaucoup souffert. Il est arrivé ici avec l'histoire McCarthy. Il était progressiste, c'était ses idées, il en était libre. Et il était en perdition quand Bérard, le producteur du Rififi, m'a téléphoné en me disant « Je vais te présenter un type pour faire ton Rififi chez les hommes. » Il s'appelle Jules Dassin. Et quand j'ai vu, j'ai dit « Jules Dassin ». Il parlait pas le français, moi pas l'anglais. On s'est compris quand même tout de suite. Et puis après, quand on m'a dit « C'est lui qui a fait tourner Brute Force et Naked City », Les démons de la liberté et la cité s'en va, je lui ai dit, oh là, bravo. Et puis on a discuté, on a vu que tout de suite ça allait. Et là, il y a eu un mot fabuleux, d'ailleurs, on a été voir, touchez pas au Grisby de Becker, qui est un ami, Jacques, qui est mort, que j'aimais d'ailleurs, puis malheureusement le destin l'a enlevé, on devait travailler ensemble. Et là, c'est pas péjoratif, parce que Jacques, je l'aimais beaucoup, il venait manger au Vésinet presque tous les jours chez moi avec sa femme à l'époque, Françoise Fabien. Et Jules, on a été voir tous les deux, touchez pas au Grisby. Avant d'entamer l'adaptation et le dialogue du Rififi. Il m'a regardé, il m'a dit un seul mot. Ok, on peut faire le Rififi. C'est tout ce qu'il m'a dit. Alors je l'ai observé, j'ai rien dit. Et puis après, 8 jours après, on s'est mis au boulot. Et j'ai vu que c'était un grand metteur en scène. J'ai compris qu'il était sûr de lui, de ce qu'il allait réaliser. Avant qu'on attaque l'adaptation. Hein. Et ma foi, l'avenir lui a donné raison, parce que c'est un film qui a fait vraiment dans le monde entier une carrière phénoménale. J'ai passé 52 fois la télévision américaine. Jules Ferry. Ma foi, dans l'école, j'ai entendu parler Jules Ferry. C'est un président, je crois, de la République, oui. Place Jules Ferry, ma foi, quand je pense à ça, mais ça ne me dit pas plus que ça. Hein. Je regrette, je suis navré, mais je n'ai pas foutu les pieds à l'école longtemps. Hein. Peut-être je t'excuse. Je sais que c'était un président. Place Jules Ferry, quand je voyage, des fois, j'en prenais la place Jules Ferry ou la rue Jules Ferry. Ça ne présente pas plus que ça. Le sport. Ben, j'ai toujours fait beaucoup de sport, comme les hommes qui ont vécu dans la violence, et je continue à en faire. Je fais du yoga. Je nage, j'aime beaucoup la natation. Du tennis, j'en pratique plus, mais du ski encore. Et la marche, je suis un grand marcheur. Pas derrière les nanas seulement, je suis un grand marcheur en forêt aussi. Mozart. Je nage complètement. Mozart, Beethoven, Tartampion, je sais que c'est la grande musique, je sais que c'est des génies, mais j'y comprends que dalle. Alors là, zéro, vous pouvez mettre n'importe quelle heure, je ne sais pas ce que c'est. L'accordéon. Oui, bien sûr, j'ai dansé, j'ai vécu sur l'accordéon. Et j'ai connu mon vieux soldat, il jouait le dénicheur au petit jardin. Vieux soldat, c'est ma femme. Il y a des siècles qu'on vit ensemble, on a connu la misère des rues. Alors on s'est connus à l'accordéon, puis j'ai beaucoup aimé parce que j'aime ça. J'ai surtout entendu Codu Piaf quand elle chantait au porte-voix. Elle était accompagnée par l'accordéon et chantait dans les balbusettes, la Mont Piaf. Je me suis battu pour aller au petit jardin d'ailleurs, avec Charlotte Boucher. J'avais 18 ans, j'étais un voyou de barrière. Et ça me met une époque, l'accordéon, c'est la rue, ça revient toujours dans quand ils jouaient l'accordéon, qu'ils chantaient dans les rues, qu'il y avait la foule qui les entourait, ça n'existe plus, ça aussi, ça a disparu. Ils vendaient leurs chansons, vous devez vous rappeler ça, achetez-la à 20 francs, etc., paroles et musique. On voyait ça à tous les coins de rue, ça avait une énorme poésie qui a disparu sous les flots de voitures et de fumée et d'avidité humaine. Le chat. Le chat ? J'aime pas beaucoup les chats. Je suis un homme qui aime les chiens. Je leur fais pas de mal, mais je suis un homme qui aime les chiens, pas les chats. C'est félin, dans la jungle, j'ai tué par exemple un oslo, c'est un peu du chat, c'est quelque chose d'impressionnant à voir. En liberté, mais c'est encore des bêtes qui doivent vivre libre au maximum aussi. Et même les chats, je trouve que, évidemment, ils s'accommodent des appartements, mais je pense que quand on voit un chat sauvage dans la forêt, il a plus de majesté que dans l'appartement. Le calembour. Le calembour ? Quand il est spontané, quand il vient de soi, par exemple. Mais si c'est chercher un mot pour faire rire, comme des certains dialoguistes, tout ça, chercher absolument un calembour pour tirer le public à lui, et tenter de faire rire, j'aime pas tellement, j'apprécie pas tellement. Il faut qu'il soit d'instinct, pur. L'environnement. Moi, je comprends pas tellement ce que ça veut dire, l'environnement. J'ai jamais essayé à déceler ce mot-là, je comprends rien, ça m'intéresse pas. Le voyage. Ah, je suis un grand voyageur. Ça vient aussi de mon enfance perdue, j'ai pas eu d'enfance. C'est ce moment-là, je suis un homme qui... J'ai une enfance sans enfance. Alors, il m'arrive, je suis traumatisé parce qu'on m'a martyrisé, j'étais tout petit à 4 ans et j'en suis marqué à jamais. Il m'arrive des fois de... Comme là, je vais foutre le camp bientôt, je saute dans un avion et je pars en voyage, je cherche à aller au bout du monde pour chercher quelque chose que je sais que je ne trouverai jamais. C'est peut-être l'affection, la maternité d'une mère, justement, que je n'ai pas connue. Alors là, j'essaye de courir, de foutre le camp, mais je ne le trouverai pas. J'essaye de m'en aller comme ça à la recherche d'une chaleur que je n'aurai pas, que je n'aurai jamais. La vieillesse. C'est une sale chose. Il faut savoir vieillir dignement. Ça, je ne sais pas si je sais vieillir dignement. J'espère que je devrais disparaître, comme je fais les bas-fonds du monde, dans la violence, que je me fasse assassiner ou un truc comme ça, que la décrépitude, quand on n'a plus de sa réaction. J'espère les gens qui ont une grande activité, par exemple Nielsen, les presses de la cité, Sven Nielsen, et quelque temps dans son bureau, parce que je lui disais, est-ce que vous avez peur de la mort? J'aime bien, ça me passionne, les types qui ont bâti les empires, comme lui me fascine. Maintenant, mais quoi qu'on soit en froid. Il m'a dit, non Auguste, peur de la mort, je voudrais pas mourir malade dans mon lit. Je comprends, c'est exactement ce que je voudrais pas non plus. Il m'a dit, si un jour, et c'est un mot que j'ai retenu, si vous me trouvez, en rentrant dans mon bureau, la tête sur un manuscrit ou sur un contrat, mort subitement, vous pourrez dire que je suis mort heureux. C'est tous les types qui ont beaucoup d'activités. Je crois que pour beaucoup d'hommes actifs, c'est ça, c'est la décrépitude, c'est d'être à disposition de ceux qui vous entourent, et non plus mener vous votre vie. Être rongé par un cancer, et etc. Malheureusement, on n'échappe pas à son destin, mais je crois que c'est moche. De Gaulle, il vient d'avoir la meilleure mort qu'il pouvait avoir pour un type de sa dimension, c'est de mourir du cœur, quoi. Il est mort dans son orgueil, puisque c'est un grand type à une dimension formidable. Il est mort comme ça, c'est mieux que de mourir s'il avait été à la merci des autres, de ceux qui l'auraient soigné. Et c'est ça que je crois qu'il doit être moche dans la vieillesse. La maison. La maison, oui, essayer de bâtir un lave, mais je m'en fous un peu. C'était pour mon vieux soldat, elle y vit tranquillement, elle y tient à sa maison. Ah, moi, je m'en balance. Alors. Je prendrai. D'abord, je dis pas, je sais même pas si je vais pas finir, pour boucler mon cycle, si je meurs pas dans la violence, si je vais pas finir clochard un jour, en faisant la croix sur tout ce que j'ai vécu, en balançant tout. Même si j'ai du succès avec Péphine, mais tout, le pognon, la vie, les films, les succès, tout ça, je m'en balance. Et je retournerai pas finir parmi les clodos, sans problème d'éditeur, sans problème d'impôt et tout ça, et dire, merde, je prends la route avec une besace. Et d'aller finir peut-être comme ça au coin d'un chemin, dans une espèce de liberté. Je crois que ça vaudra mieux que de mourir dans un lit entouré avec des meubles en or, conditionné avec une chaîne en or, et vraiment à la merci de tout le monde, et avec, comme ils veulent tous mourir, avec la bénédiction et tout, je crois que c'est de la merde. Il faut mourir libre, au grand air, en homme. Le hasard. Et sans le hasard, fait bien les choses, comme disait l'autre. Le hasard fait partie de la vie. Je peux ramener ça un peu au destin. Et le hasard, il conditionne souvent l'existence. On peut trouver, si ça se trouve, je vais sortir tout à l'heure, je vais tomber dans une fille qui va peut-être Pof, ça va être le hasard et je vais coller peut-être jusqu'à la fin de mes jours. On ne sait jamais ce que va vous apporter le hasard. C'est ce que ménage d'ailleurs la vie de bien, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'heure qui vient ou le lendemain sera fait. Et ça fait, c'est le hasard, ça. Les gens qui disent « moi ceci, moi cela », ils font rigoler. Alors c'est qu'ils n'ont pas souffert ni roulé leur bosse, on ne sait jamais ce qu'on va être. Si ça se trouve, dans une demi-heure, je vais être mort. Ou je vais tomber sur une fille superbe, ou sur un personnage fabuleux qui va me fasciner. On ne sait jamais. Les seins. Les seins d'une femme. Moi, ça me rappelle. J'aurais préféré les seins d'une mère, mais puisque j'en ai pas eu. C'est la nourriture de l'homme, du petit. C'est peut-être dans tout ce qui représente la race humaine, ce qui est le plus beau. Les seins d'une femme, quand ce sont ceux d'une mère. Parce qu'ils protègent, on s'y réfugie. J'ai vu des hommes s'y réfugier quand j'étais en fuite avec eux, justement dans les seins de leur mère. C'est une image, bien entendu. Ils se couchaient dessus, ils pleuraient, ou ils sans rien dire si c'était des assassins comme j'ai connu. On était traqués. Et ils s'agrippaient à leur mère qui les avait mis au monde. Ça leur mettait quelque chose, certainement, de leur enfance, de leur prime enfance. Je crois que ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est le sein d'une mère. L'âme. Quand elle est noble, c'est joli, mais comme elles sont toutes souillées. L'essentiel. L'essentiel ? Ah, ben l'essentiel, c'est de pouvoir rire un brin avec un ami. De rigoler et de faire un brin de parcours. Mais il n'y a rien d'essentiel. Il n'y a rien de définitif, sauf la mort. La mort. Je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. La mort. Je voudrais, en ce qui me concerne, mourir avec dignité. Je ne sais pas si je mourrai dignement. Il y a des périodes où je sais que je peux mourir dignement. Je sais qu'on me dirait dans 2 minutes, comme j'étais dans la résistance, par exemple, je savais, on m'aurait dit dans 1 minute, il faut que tu sortes, on va te truffer de plomb. Mais je suis un type qui est vraiment capable, en 1/10 de seconde, de prendre la décision et de sortir, de me faire tuer. Mais il y a des fois, non. Parce que les gens, ça revient toujours, les gens qui affirment qu'ils sont ceci ou cela, et je sais que ce n'est pas vrai, ils mentent, ou ils sont des lâches, ou ils sont pas bon, rien. On n'est jamais sûr de rien, quand même. La mort, je voudrais mourir dignement, mais il n'y a que ça de définitif dans la vie, pour tout un chacun. C'est la mort. Autrement, rien n'est définitif. Et rien n'est jamais perdu. Il faut toujours lutter. Il y a un problème de moi qui dit qu'un homme doit se battre jusqu'au bout, jamais plier, se battre jusqu'à la mort. Et chaque fois, j'ai eu des coups durs et des crises terribles. J'ai remonté des gouffres en serrant les dents parce que j'ai une volonté d'acier. Je veux me battre jusqu'au bout, quoi qu'il m'arrive. Jusqu'au bout de mon destin, je me battrai, je lutterai jusqu'à la mort. Dieu. C'est un truc que j'étais élevé dans les orphelinats de guerre, dans la religion catholique. Je dis c'est un truc en parlant de Dieu, que les gens sautent pas au plafond. Ça n'a rien de péjoratif. Les gens se raccrochent. Moi aussi, ça m'est arrivé de me raccrocher à une espèce de foi. Parce qu'on a besoin intérieurement, quand on se bat tout seul comme je me suis battu depuis que je l'ai ouvert, on se raccroche à quelque chose. Alors Dieu. C'est toujours le grand point d'interrogation que personne ne pourra jamais résoudre. Mais il y a des dieux dans tout le cœur des hommes, qu'ils soient catholique, protestant, bouddhiste, maoïste, ce que je sais, moi. Tout le monde a son petit Dieu personnel au fond de son cœur, je crois, pour l'aider à vivre, justement. Quand on veut vivre dignement, on essaye de se créer un Dieu à soi, que ce soit le Dieu de là-haut, ou le Dieu d'ailleurs, j'en sais rien. J'ai le mien. C'était Auguste Le Breton, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 5 juillet 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.